nur de silo hin à Brezhoneg. C'est l'heure de retrouver hin à Brezhoneg. Entar Brezhoneg, kentel pemkan, heiz war nugen, c'est ça Henri? Ja, ouais, c'est là, ja. Pemkan heiz war nugen, ja. 528, ça va bien? Oui, ma tri, ouais. On se dit blavesmad? Blavesmad, hein, c'est l'époque, hein. Et blavesmad est tout d'un dut. Voilà, alors aujourd'hui, je sais pas si c'est lié au détien de Temblat, j'avais pensé de traiter le mot dyspigne. Ah bon? Oui. C'est tombé comme ça un peu par hasard, parce que j'avais pas prémédité, mais c'est vrai que c'est une époque de dépenses. Hein. Voilà. Donc, dyspigne, hein, D-I-S-P-I-G-N, c'est à la fois un mot masculin et un verbe. Hein. Donc, qui veut dire dépenser. Hein. Dyspigne, c'est la dépense, et puis le verbe, c'est dépenser. Alors, le mot, donc, c'est un mot masculin, comme je l'ai dit. Donc, un dyspigne, hein, la dépense. Et quand il y en a plusieurs, on dit un dyspigno. Hein. Alors, c'est un mot qui vient du latin dispendium, donc qui a le même sens. Hein. Donc, dispendium, qui a donné à la fois le mot et le verbe. Hein. Alors, oui, j'ai déjà dit que le pluriel régulier, c'est dyspigno. Par exemple, on va dire « guir dyspignese », c'est une vraie dépense. Hein. « Calze dyspigno vegret hein. ». Ben, Hermar et moi, avec Gret, Calze, Zispignou. Hein. Voilà. On en parle souvent. Hein. Par exemple, justifier ou non d'une dépense, un Dispignou Herbarus, hein, les dépenses de la commune, Dispignou Herstat, Dispignou un département, Dispignou Randro, hein. Surtout quand il y a la discussion sur les budgets. Alors, le verbe dyspigne, hein. Alors des fois, dans certains coins, on dit dyspignant ou dyspignon, dyspignat, hein, donc c'est rallongé un petit peu, mais par ici, on dit dyspigne tout simplement. Et le participe passé, c'est toujours dyspignat. Hein. Donc dépenser. Alors, il y a des mots dérivés. Par exemple, Gualzispigne. Gualzispigne, c'est dilapider. Dépenser plus, plus, plus. Plus, à tort et à travers. Hein. Droux, à peu près le même sens pour Droux-Zispigne. Donc, dépenser à tort, en fait, hein, Droux-Zispigne. Hein. Et puis, Peur-Zispigne, alors c'est carrément vider la caisse, quoi. Voilà. Alors, kemer dyspignou, c'est engager des dépenses. Voilà. Schoolment en dyspignou, c'est clôturer les comptes, en fait. Hein. Par exemple, quand on va établir un budget, on clôture des comptes. Hein. Voilà. On dit une dyspigne, un homme économe, quelqu'un qui ne dépense pas beaucoup d'argent. Hein. On peut dire aussi bévant dyspigne, hein. Vivre chichement, économiquement. C'est pas un radin pour autant? Non, c'est pas un radin, on dira on dit une toast. Ah, ouais. Toast de hier, on dira. Ouais. Mais non, là, c'est plutôt un compliment de dire que quelqu'un ne dépense pas beaucoup. Alors il y a des expressions à partir de là. Hein. Par exemple, Waller and das tumor, te and dispigner. Après celui qui ramasse, il vient celui qui dépense. C'était souvent dans les familles comme ça. Hein. Il y avait aussi une façon plus radicale de le dire. Waller raste le taevor. Ma grand-mère disait souvent ça, quoi. Hein. Après le râteau, vient la fourche pour dépenser l'argent qui a été accumulé par une génération et la génération d'après dépense. Voilà. C'est très philosophique, ça. Je sais pas. Hein. C'est très pécunier, en tout cas. Oui, en tout cas, c'est très pécunier. On en reste là, Henri? Ben, voilà, on a dépensé un petit peu de salive. On passe à la seconde partie, Brezhoneg Tambatamb. Thank you. Brezon Hector m'attend maintenant. Oui, alors aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisque c'est la dernière émission de 2016 et la première de 2017. Donc, c'est l'émission des vœux, blaveusement, hein. Blaveusement de zou et tandard, blaveusement d'igandoué, aventure va te rayouang, de rigos prespolité. Tu chantes trop bas pour moi. On y donne, tu n'oses blanévé, ma orconte en ime gano, à ma norque nîmes irano, mais de don gandioul va, de zoueti blaveusement. Alors c'est une chanson dont il y a des multiples versions. Donc il y avait une version, la version initiale était très liée à la religion, puisque c'est très peu de temps après la naissance du Christ. Et il y a une version plus laïque qui a été écrite par Taldir Jafrenou, le barde de Taldir, qui a été reprise par Paul Huelou il y a une trentaine, quarantaine d'années. Et donc, et puis il y a des versions qui ont chacun peut y mettre un peu son grain de sel. On peut rajouter des couplets. Voilà. Alors tout ça pour dire que on arrive au début de l'année, donc on souhaite la bonne année à tous les habitants de ce pays, à tous nos auditeurs, à l'équipe d'RKB et à la radio aussi. Elle en a bien besoin cette année. Donc voilà et à tous ceux qui sont intéressés par RKB, les gens qui sont dans l'association, le personnel, voilà, ceux qui font tourner la radio tous les jours. Et puis on souhaite aux auditeurs d'écouter assidûment la radio. Voilà. Bon, Henri, tu vas nous sonner un petit coup de clarinette pour le nouvel an, alors? Oui. Et merci. Ben, calze draw et vel juste boire vegeti ouzan. Krogom de Dientan Velkis a custum gandela pour douar a gervu et war armes. Et je suis vraiment herbla de ville huesek, ag bon prestige vous herbla seitek. Ag bon wardash en la pour douar jusmat blanc mené que begual voir d'un trou, futur et Edward Drow en er an gonnet gandela pour rien douar. Ag spi meus vos gwell ar bla de zone. Et vide la bourrerie en douar, caram, Chris Brace, tout d'une économie, et ce zolion, mon pénéfine, gagne la bourre douar, pin vidi, gazor vro. C'est tu pérec, ve comme je derma, de ze la bourre douar, et vicro, guider penat petra, zoné ver vro. Wardash en leur politique eres, goudor en tout, vaut au bla, ispici à longtemps, puis dur vaut redibab, d'or président neve, vimon war cardor, république. Quand on veut la République, trône d'Agobert et la revanche contre le... Ag, en man, vos cas de changement n'y vais, ouais. Ou à d'achat politique, et reste plus dur, voilà que d'ensemble, zone de strolade ou paroujou, d'over strolade névé, gwen gamp pempoul, armor, argoat, agglomération, zézo GP tergwech ha, zézo non technocrate, longtemps, Capio Jonge au moment de Zostro là de GP, ha ha ha, mais de bonne Zeraiopis Strolat Parouge ou un peu dur zo 16 barous voir à Hunter Camp Bars, à cet au Strolat Parouge ou aïeï de ce pour un garnoet betag betagenes vria d'une bonne. Zira on tombe de hind, hein, ma treize de vos stertes, la catoule de semble de, ben, guévridigues. Vite comme son tombe de ce nendro, vraiment, Alice, ou à l'air là pour doux avec comme de ce nendro, calzerac très sous les eaux et vite, la cat énergie et sport du bavro, d'asquer grand tour you havel. Bon, de vision homme, zorvé, j'ai blé ou arzé, mais me mestra, tant ma tombe, y a un trop à rogue. Vipé ce zèle de ce grazen, énergie, zlan division, et que, gualsclair en trou, sans soit de bout de lac et d'un trou, bah, misère et tramenet, mais bénéfine de ce que guette la bourre et au béroas, ag, bonne bourre européenne, ne zlarme ma treize en noix que diré à d'orborzé, n'est que zure vos grèdes, hein, un drasé. Gualet vos pissamots, donc, con. Comme j'en m'entends vraiment de ce ninhou, un nindouarn, qu'aient 10 heures et la bourre, y'a voir, ligne TGV, ligne Tisbras, ma personne, ag, rogue fine blague, l'effet un train, y'a au monde vous n'y sort, très part, ils à Brest. Ouais, le dvo, pis sa mot, vos comptes, mais de, pelzo, mais de lance de Naffers, à bon, torsté de Vonendro. Tout de voir, Franche Hollande, au échu, y ferme, war gardor république a PYB Cambal il vide je dis aux gens noirs pen plaço ni wa be promette calz draw de raison da square vi j'ai bezine de carter yes ou quasket bon bénéfice un trou n'est que des tombe de rock qui nique de sobe d'un dans de lé un grand Paul Molac on elle grand ani le guerou a bénéfice un trou au chaume veloigne a n'est que sur banam sur de zone vous voilà un trou c'est tu vous rette de Sturmerien, der en Sturm, wieder, Jesu Guasket, a gamme, wieder en Braison, a gajusmat, Neveso, ou a bit de Rand, de, Nerhans, ou bit, Zeret, gand a Redadek, putur, Bibdo, la Veget, Redadek, ag, Nantor de Zenerhans, ou bit Roe, der Skolio Diwan, ag, Nantorels, ou bit Rand, très Kevridiges, ou an de ze, Orak, très Benek, wieder en Braison, Da square, Brudon Asquignan, ne se bête, 16 000 euros. A gagandzi, vos moyennes marades, tombe trop. Bonne, Kevridiges Lowell, ne se bête, on t'emmerde en deux. A déjà, avec comme ce désoréda de Gdauville, Triver, plus dur, Zirai Digla, Waller, ou Abécrou, de Redad, a que, besoin de vos guettes, 1050 km, quand Redad, Gdauville, Triver. Ag gouderam déjà et trem notre Gwengamb à Pempoul. Bon, Neveso, Alice, Gontandar, Jiwas de Studet de Nanang, à Neveso et Jean Maïs Craigne, pour de Nuel quoi de Nanon, de Noir de Ruizega Perugun là, Jean Maïscren, ou à Ondine, ou à Réo Biantro, compteur Corner, à Gostumor, ou à Rendach, et leur politique RS, à Zochom, Tfeal d'Erma, d'Ivenosio. Ivenosio. Bonne, sais-tu, là, Ramdan, Kenavo, Jean Maïscren, à Bonne, moyen, scrivez-le au Biantro, à Gazo Bedimband, à vos Radkav, d'Iscrido et Veljuste, Chomo, Pesnes Begret. Bon, c'est une tombe de spéçonné et bavro, avec la ramdar oise blavesma de tout d'un dut, avec blavesma de RKB, de skip à RKB, de réseau hors wardrobe en orguevridigues, à Tienorvégel. Blavesma d'Erikino. On te fait pas voir ces glaçons, ni comme drasque, mais ma gade orzon. À ma hand venez, on te blême hors me bro. À me son de grand neige d'Erfénon, je peux dire, j'en je leur brume ma mire d'actualité, le là. J'y vois la pute. On te voulait mort, mon bro. On des albas, très azine, t'y vas, génie. Vi mon d'orbe, trop avro, mais oua de te jonstine. Oh, mais oua de ta jonstine, non t'en trop à helio. D'avelin pesa, modouane d'azispen marougeo. Abre même mignonette, mais au pitchiloé. Mais à don te gonte de rapis à ma guélette. Tape ma me rapuchen la qu'il va à l'oncho. A tape de me ma houren vidor trop en un chaud. Bre me vi monte à herio viré d'or en brobel. Car son que de en en bion a stouve d'arvinoge. Ker ma bigalou pat de zenel ker de ben. Pestoir vichen de ta guerre, mi che begueldem. Den mi je begueldet, sor de mi je clevet. Med ove hig man a ket di lui a huchelle. Var l'heure du war perger, cli jo a zo la ket. Ovidont a rei, ovidont a d'air ta houd an me vek, an me basse hier ket. A l'air ma zo tu de chom, plaque oiseau laquet, va piri a zo scrivet de zahidi wale. A l'air ma vijen gwechal e ve chopinado, e di wanda lus toni trovadro de nodo. O cher de en origer, cher de ma pavancho, a di wanda djewe hir badirag entre jo. A roman eus kebelzo, oa gretir neve, me bremen eus me tout kout bat kales da houte. A gwell dam eus horme zo, skrive va mer dedi, an oio en oterien l'er me man de verzi. A gwell dam eus oa dispen, an me zo pen arben, o meur a di eges pren de gad an glichen. D'un anglichen ven gwerzet, a zo la varet din, a reze zo penvidik gad o lur du sterling. Ne het braz oa ma speret in ur zidro d'age, vel kemen se chan chanon no ken eube tamze. A vroman eus ke belzo vi kletu de kone, et i vroge la parko de zen abarde. Clevet vigen e kona, tizroi deus a perko, hag o mouezet tiz kona, e dristar stankeno. Me het braz oa ma speret, en oz izro d'age, vel, o clevet a vive a breteus ar mintin, morzili ar pik ar men war a oe tintin. War ar leur ger gout o hon, vizu gwell kalestu, et comptez aux hommes au point nos remonts de tordu. Oh, mais de tes jongeurs, pétamore de vos avros, ma prétaine au Québec. Pétamore de vos entraux, ben notre peine est dans mon, au margeau marot, de droit et velmar abrement. On est navre tonnette, rien comme on te les halles. À ton asile, c'est nos bros, puis replace à Réal.